Les amis vont se moquer de moi. Ne me fais pas ça, cher amour. Oh, voilà, ne t'embanique pas, comme ma main de yo yemba. Ne me fais pas ça, oh, l'amour de ma vie. Si tu me fais cela, les amis vont se moquer de moi. Aïe, aïe, n'a poussé la moelle. N'a poussé bonnement. Aïe, aïe, aie pitié de moi. Tu m'as perdu tout ce temps. Tu savais que tu n'allais pas m'épouser à nous ni Moumi. Mais pourquoi tu m'as fait tant de promesses? Ferdinand Makota à Saint-Étienne. Jumba lente, jumba edi. belle de diba Mumi et de jombalongo Ke a titi pomu mango Ende di komi loko la mumi Faut pas confondre les deux Diba belende diba, mumi ete jomba longo, ke mwa titi pomu mango e, ende di komi longo la mumi, faut pas confondre di oho, ne faut pas confondre les deux, Sengi nage, faut pas confondre les deux, faut pas confondre les deux. Mato e kango, oh ani, donge ya di bopo nonje, mato e kango, ah, nawandi mwimba, Ma cosa populaire, ça se danse sur Titan.